Bonsoir, non mais je quand tu sors de là, t'es c'est génial Nancy, que tu les regardes ou que tu entends parler, t'es un peu à peu près dans le même état. Donc ça c'est-à-dire la joie. Et je vais encore me faire des potes. Moi à l'époque quand j'avais osé dire qu'on se faisait chier Nancy et qu'on voulait les voir en D2. Effectivement, maintenant ça paraît complètement banal. Un vrai classico, on a vu quand même un classico magnifique, hein, le fameux classico. Alors le problème c'est que on a vu que dans les autres pays il y a deux équipes, il y a plein d'équipes, enfin c'est toujours des groupes de deux. Nous bientôt le classico, ça sera je pense Paris Saint-Germain qui sera le classico. C'est l'équipe qui jouera contre elle-même parce que je vois pas qui peut être plus fort que le Paris à part le Paris Saint-Germain. L'AS Monaco bientôt. Oui, oh, Inch'Allah. Comme on dit au camp des loges. Alhamdoulilah, comme dirait Alhamdoulilah, enfin, donc tu veux, moi j'ai pas encore appris. Mais ça ne serait tardé. En Angleterre, alors on a appris que oui, c'est comme ça partout. Il disait, Gilbert, il disait oui, en Angleterre, il y a la moitié du pays qui déteste Manchester, il y a la moitié de l'équipe qui adore Manchester. Bon, oui, le problème c'est qu'à Paris Saint-Germain, c'est qu'il y a dans le pays, il y a 80% du pays qui déteste le PSG et 20% aussi. Donc tu vois, ça fait quand même beaucoup de pourcents, quand même, au final. Donc ça va être un petit peu dur, on va vite se faire chier dans ce championnat, mais on va pas dire ça parce que c'est notre gagne-pain à tous. Donc tous les grands d'Europe ont marqué, on fait un doublé, je vous rappelle quand même que tous les grands d'Europe, Ronaldo, Messi, Zlatan, Gignac et Brandao, parce qu'il faut quand même pas l'oublier. Il s'est glissé, hop, nous sommes dans la bande, oui, il a mis son petit voilà, parce que voilà, pour une fois en plus lui, hop, il y a pas de procès, il y a rien. Ouais, quand je dis qu'il se glisse doucettement, c'est ouais, enfin, à sa manière quoi. Je rappelle qu'il a été l'objet d'un non-lieu, hein. Oui, bah Jean Fernandez aussi, hein. Donc et que la plaignante n'a pas ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que tu veux plaindre de la bouche pleine? Oh. Tu ne plains rien du tout. Alors. Oh non! Oh non, pitié. Alors, vous avez quelque chose à dire? Bon, ben, acquitté. Quelle horreur. Alors, donc, on va revenir au procès de Nancy. On va faire vite. Le procès de Nancy, alors, gros procès. On n'avait pas eu un procès aussi indécis depuis Klaus Barbie. Alors, coupable, non coupable. Ah, suspense. Oui, Eric était défenseur de Nancy. Hein. Tu te rends compte que déjà, Nancy, c'était déjà une équipe de rêve à l'époque. Tu me dis que qui était l'attaquant de Nancy à l'époque d'Eric Dimeco? Eric Dimeco, donc tu vois l'état d'esprit de l'équipe. C'est pas Pablo Correa qui l'a fait, ça. J'ai joué avant-centre là-bas. Qu'est-ce que tu dis? J'ai joué avant-centre. Eh oui, c'est pour te dire. C'est comme si Jérémy Morel était attaquant aujourd'hui. ou alors qu'on mettait, on faisait entrer Vanderville ou Sylvain Armand pour attaquer en fin de match. Ça serait complètement ouf. Ça serait complètement ouf. Personne n'oserait faire ça. Et juste pour finir, je voulais et Jean Fernandez a quand même déclaré que les joueurs de foot aujourd'hui, hein, dans son interview assez qui te faisait pleurer. Bah quoi, ça vous a pas ému cette interview Complètement. Ils n'aiment plus le foot comme avant. Ben non. Ah bon, ils aiment plus le foot, les mecs. Parce que lui, quand il leur dit d'entrer sur le terrain, il leur dit bon, les gars, on serre les miches, on ferme la boutique, on balance devant et on prie Marie-Madeleine. Mais à part ça, ils devraient aimer le foot, les mecs. Mais pourquoi ils aimaient pas le foot? Ils aimaient le foot à l'époque. Parce que t'étais pas entraîneur, mon pote. Eh oui, c'est ça la différence. Ouais, je suis désolé de vous ramener à du vrai foot, là, parce que vos histoires de gonzesses. Moi, je vais parler de Montpellier. Parce que tout à l'heure, on a parlé de Montpellier. Montpellier, alors, t'as posé une question géniale, Gilbert. C'est Montpellier joue-t-il la relégation? Alors, faut vraiment les prendre pour des cons. Non, t'as dit la relégation. T'as dit trois fois la relégation. Alors, moi, jouer la relégation, je trouve que c'est quand même un beau projet, quoi. En général, c'était le projet de Pablo Correa, voire de Bazdarević, qui a été quand même pendant des années à jouer la relégation, et s'en est plutôt bien sorti. Et, non, effectivement. Non, mal sorti. Il jouait le maintien. Et moi, j'ai envie de dire que Girard, c'est pas gagné. Moi, je pense qu'il devrait en prendre quelques cours de maintien. Ça lui ferait pas de mal. Parce qu'en ce moment, il est pas très présentable à une belle famille. Lorient peut-il jouer le titre? C'était une autre question que t'as posée. Celle-là, peut-il jouer la Ligue des Champions? Ça, on peut le dire. Ouais. Hein, bon. Ben, moi, je crois que Lorient peut jouer la Ligue des Champions. Je crois que Lorient peut peut-être même la gagner, la Ligue des Champions. Oui, moi, je crois en Lorient. Oui, parce que quand je vois le Qatar et Abu Dhabi, je me dis que Lorient peut y croire. Lorient, c'est Orient qui est en train de tout racheter. C'est Orient qui part comme ça dans la conquête. Gilbert n'a absolument rien à... Ce qui est génial, c'est que tu parles à des mecs qui sont sur leur tweet depuis tout à l'heure. Donc, c'est formidable. Merci, Gilbert. Moi, je me suis là. Moi, non, tu n'écoutes pas ce que je te dis. Qu'est-ce que je viens de dire? On t'écoute, mon biquet, Lorient, machin. Tu viens de me dire que Lorient va être champion de France et qu'ils vont gagner la Ligue des Champions contre Manchester en finale avec un quadruplé de Lorient. Écoutez, merci. Donc les Bretons qui ont du mal à y croire, mais tu sais, je vais te dire, Gilbert, tu dis toujours que les Bretons, ils sont là, toujours un petit peu froid. Ils ont des chapeaux ronds. Ouais, voilà. Mais les Bretons. T'es breton, tu te lèves le matin, il fait beau, t'es confiant, la plage est belle, t'as l'impression d'être à Bali, et pam, l'eau, t'es à 5 degrés, tu te prends un crachat sur la gueule, c'est ça leur vie à ces mecs-là, c'est des déceptions tout le temps, c'est à chaque fois ils y croient, et à chaque fois on leur remet dans la tronche qu'ils sont à l'Atlantique, qu'ils sont jamais dans la Méditerranée, hein, et Pino, il veut pas de joueurs qui font des faits divers. Moi, il fait marrer, Pinot. Il pense à West France. West France, c'est 90% de faits divers, ce journal. Alors, les mecs, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils participent à la bonne tenue d'un journal qui fait la région. C'est pas de la bretonitude, ça. Merci, monsieur Envila. Grâce à Envila, West France, ils ont fait 2 millions, 3 millions et 4 millions au mois de juin et juillet. Voilà. Et ça, c'est beau. Ça, c'est un mec qui pense à sa région. Et puis, j'aurais quand même parlé de Javier Pastore, parce que quand même, Javier Pastore, personne n'en a parlé. Hein. Ce mec, il a été complètement transparent. Il est enfin redevenu El Flagdo, hein, celui qu'on appelait El Flagdo. Alors, autant... C'est ah oui, c'est El Flagdo, hein, c'est officiel. Hein, c'est... et alors, autant Zlatan a zlatané, ben Pastore, il a pasteurisé. Ça y est, il a réussi à pasteuriser la Liga. Je rappelle la définition de la pasteurisation, c'est chauffer à une haute température et refroidi très rapidement. Voilà, après, ben, c'est nickel, hein, il est pasteurisé, écrémé, coupé à l'eau à la pisse. La flaque d'eau, quoi. Et forcément, au niveau impact physique, c'est pas mieux. Hein. Moi, je savais que les Argentins, ils étaient connus pour la viande de bœuf, mais pas pour les coquelets. Voilà, donc maintenant, voilà. C'est les coquelets argentins. Ça me déprime. D'ailleurs, à la fin, tout le monde s'accorde à dire qu'en deuxième mi-temps, les joueurs ont joué le nul. Tout le monde dit, ouais, ils ont joué le nul. Alors que Pastore, lui, il avait un temps d'avance, puisqu'il a joué le nul pendant toute la première mi-temps. Il a joué le nul qui fait une passe, le nul qui fait un contrôle américain et le nul qui tire à côté. Donc lui, il joue le nul sans que Ancelotti lui ait demandé. Et c'est ça qui est beau. Je voudrais avec la guitare derrière, c'est la clé. Ah ben c'est beau, c'est j'ai au moins un peu de mandoline. Un peu de mandoline. C'est toi. C'est toi dans le noir. Pardon, excuse-moi. La presse. Alors c'est vrai que tout à l'heure on parlait de la presse, les différentes unes. Bon ben nous ça va vite hein, parce que nous en France il y a une grosse équipe de foot, il y a un seul organe de presse de foot, il y a une seule émission de foot, hein, bien sûr, hein, le Club Lisa. Et donc voilà quoi. Et donc voilà, il y a que et moi je prépare l'avenir, monsieur. Hein, voilà. Non, nous il y a qu'une, il y a qu'un journal de foot. Hein. Enfin, c'est l'équipe évidemment, l'ancien fanzine de Thierry Henry qui est devenu un journal de sport depuis la retraite du joueur. Donc nous on est un peu minimaliste. Hein. On aime bien qu'il y ait qu'un truc. Voilà, c'est, je sais pas, c'est pour se venger du fait qu'on n'a pas de roi. On a une république. Alors on veut passer par des monopoles. Et je pense aussi à l'auditeur tout à l'heure, l'auditeur qui était heureux pour Lloris parce que Lloris a joué à Nice. Je trouve ça extrêmement touchant. Et donc, j'aurais quand même lui donner des nouvelles. Je voudrais lui dire que Robbie Langers va bien. Il est représentant en shampoing au Luxembourg. Il a fait un super chiffre en septembre, surtout vu la conjoncture, donc c'est ça pas le touche. Mal. Je rappelle l'auditeur, ça me touche beaucoup. Oui, mais bien sûr. Poussin Mélin est gardien du stade Dominique Poulain à Vigneux-sur-Mer. Il s'éclate. En revanche, je n'ai pas de news de Jean-Marc Guillou. Aux dernières nouvelles, Arsenal, on chanterait Guillou à chaque fois qu'il rentre. Non, Guillou, il est en train de monter un gros truc au PFC. Oui, c'est pas vrai. Il est en train de descendre en CFA surtout, parce que je sais pas si t'as vu le début de ça. Ah là là, mais dites pas ça! Pensez à notre auditeur, le pauvre! Oh là là, il va se jeter dans là, quoi, ça vient de démarrer, Gilbert. Ils sont avant-dernier. Ah bon, en revanche, Jacques Médecin vend toujours des t-shirts. Voilà. En Uruguay. On avait plus de frais. Putain de LST. D'ailleurs, Arsenal, il chante Hey Jude. C'est moche. Arsenal, il chante Hey Jude, mais Liverpool, il chante quoi? Il chante Help en ce moment? Qu'est-ce qu'il chante? Parce que, à mon avis, il n'y aurait pas assez de chansons des Beatles. Bon, imagine un autre classement, imagine avec des vrais joueurs, imagine avec une vraie équipe. Enfin, bref. Ça paraît peut-être un petit peu compliqué pour eux. Le prix des places. Alors, on a appris quand même un truc hallucinant. Il y a un mec qui paye 218 € pour aller voir le Real, mais j'ai appris un truc hallucinant, Gilbert. Est-ce que tu connais le prix des places à Marcel Picot? Ah bah non. Si. Vas-y. Non, bah moi non plus, mais il y a un prix des places et c'est déjà complètement dingue. Pardon. Excusez-moi, Alit. Alors, on a parlé. Je peux finir sur le derby Inter. Regarde, t'as encore le temps. Voilà, Ibra. D'abord, je voulais quand même parler de Ibra, le geste qu'il a fait tout à l'heure. Didier nous rappelait qu'il a fait un coup de karatéka, enfin de taekwondo, hein, puisque il fait ça depuis qu'il est jeune. Il a fait un coup de karatéka dans le ballon à la 25e et on n'a pas parlé du coup de karatéka d'Amalfitano dans la tête de Matuidi, qui est un super bon coup. Alors, bien évidemment, la commission de discipline va pas laisser faire et a bien l'intention de Fier constater la blessure du ballon pour voir si on suspend ou pas Zlatan, hein, parce que quand même faut pas déconner, on n'a rien vu d'aussi violent depuis Kanto contre Crystal Palace en 95. Amalfitano, lui, il aura rien. En même temps, un mec qui a la tête de Ribéry alors qu'il est même pas passé à travers un pare-brise, moi j'irais pas lui chercher les noises. Ça, c'est mon avis, hein, évidemment. D'ailleurs, le nouveau sponsor de l'OM, il paraît que ça va être les opticiens Chris, hein, qui ont fait la campagne, parce que eux, ils sont contents du 2-2, hein, comme beaucoup d'équipes. Le nouveau opticien Chris, là, qui a fait la campagne avec Alain Delon. Et on, déjà, le slogan de la pub, c'est avant, faire un nul contre le PSG à domicile au Vélodrome, c'était les boules. Mais ça, c'était avant. Voilà. Donc, le PSG fait peur, hein, voilà. Maintenant, c'est devenu l'espèce de truc qui fait peur à tout le monde. Et c'est vrai! c'est vrai que je me dis comment, au-delà de Zlatan, comment tu veux lutter contre cette équipe? Parce qu'en Europe, les mecs, je sais pas comment ils font pour se mettre face au Paris Saint-Germain, parce que c'est une équipe, attention, ça fait mal! Chirico, Palerme, Jalais, Provenance, FC Lorient, Matuidi, AS Saint-Etienne, Chantôme, centre de formation CFA Paris Saint-Germain, Verratti, Série B italienne, Pastore, Palerme, Kevin Gamero, Lorient, la moyenne de match en Ligue des Champions de chaque joueur, 2. Arrêtez, stop, arrêtez tout, arrêtez, j'ai trop peur. Ah non, mais c'est vrai que ça fout les jetons, hein. Ah non, mais c'est dingue! Mais on peut pas jouer contre eux! Non, faut être honnête. Lorient, Palerme, Bologne et Saint-Etienne, ça fait vraiment flipper que quand t'es muté là-bas en tant qu'enseignant. Hein. Sinon, ça fait pas peur à grand monde. Hein. Juste pour remettre les choses dans leur contexte. Alors le derby milanais, qui s'est terminé par le score de Didier. 1-0 pour l'Inter. Non, 2-1. T'as pas suivi le bon, toi. 2-1. C'était parce qu'il y avait Zlatan et Thiago Silva qui ont joué pour le Milan C et Maxwell a joué pour l'Inter parce que Thiago Motta était blessé. Je tiens à te rappeler que maintenant le seul derby Inter Milan c'est au Paris Saint-Germain hein, puisque maintenant vous êtes la Masia du club. D'ailleurs, il y avait une énorme banderole à cet égard à San Siro hier. Ah ouais, c'était quoi? Mais voilà. Oui, mais parce que vous n'êtes qu'une succursale du football. On n'a même pas parlé de votre derby. Alors là, je les entends déjà, Didier et Daniel, dire ah mais quel mépris! Mais vous méprisez le football italien. Vous ne connaissez pas l'Italie, la grande histoire de l'Italie, oui, eh ben oui, oui, nous sommes un pays où Castor et Pollux sont des peluches de manège, où De Vinci est un tenancier de parking, nous sommes dans un pays où Donatello est une tortue ninja, où le Vesuvio est une pizza, où le Colisée est un sirop contre la toux, où Rossini est un genre de tour de dos, Pavarotti un plat cuisiné, et la Scala une boîte de nuit pour touristes prébubères en mal de dépistage de Morito Framboise, oui, pour nous l'Italie s'arrête à Barzotti et Aldo Mancione, et on s'en fout, parce que nous, on est la France! Allons, enfants de la patrie! Et je vous rappellerai que vous êtes qu'un pays de pervers, car vous êtes un pays amateur de cougars, puisque la moitié de votre pays kiffe la vieille dame. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bonne soirée, vive la France!